Troisième chapitre. Un pointeur écossais. Pritchard était un pointeur écossais. Vous savez tous, chers lecteurs, ce que c'est en termes de chasse qu'un pointeur. Mais peut-être mes belles lectrices moins familières que nous avec les termes cynégétiques ne le savent-elles pas. C'est donc pour elles que nous allons donner l'explication suivante. Un pointeur est un chien qui, ainsi que l'indique son nom, fait des pointes. Les bons pointeurs sont anglais, les excellents sont écossais. Voici la manière de procéder du pointeur. Au lieu de chasser sous le canon du fusil, comme le braque, l'épagneul ou le barbet, il prend un grand parti et chasse à 100 pas, 200 pas et même 300 pas de son maître. Mais dès qu'il rencontre un bon pointeur, tombe en arrêt et ne bouge pas plus que le chien ne s'effale, jusqu'à ce que son maître lui marche sur la queue. Pour ceux de nos lecteurs, ou celles de nos lectrices qui ne seraient pas familiers ou familières avec la mythologie, nous conseillerons ici que le chien de céphale fut changé en pierre en courant le renard. Pour ceux qui veulent tout savoir, nous ajouterons que le chien de céphale s'appelait l'Élaps. Mais comment s'appelait le renard? Vous croyez me prendre sans verre? Le mot grec, allopex, veut dire renard. Or, celui-là était l'allopex par excellence. Et comme on appelait Rome la ville, urbs, de même on appelait ce renard-là le renard. En effet, il méritait bien cet honneur. Figurez-vous un renard gigantesque, envoyé par Thémis pour se venger des Thébains et auquel il fallait tous les mois sacrifier une victime humaine. 12 par an, ou 2 de moins seulement que le Minotaure. Ce qui doit faire supposer un renard ayant seulement 4 ou 5 pouces de moins qu'un taureau. Belle taille pour un renard. Mais si l'Élaps a été changé en pierre, le renard lui a échappé. Rassurez-vous, chère lectrice, le renard a été changé en pierre en même temps que le chien. Si par hasard vous allez à Thèbes, on vous les montrera tous les deux, essayant depuis 3000 ans le renard de fuir le chien et le chien d'atteindre le renard. Où en étions-nous? Ah, mais nous en étions aux pointeurs, qui ne rachètent leur défaut de faire des pointes qu'en arrêtant ferme comme des chiens de granit. En Angleterre, pays aristocratique où l'on chasse dans des parcs de 3 ou 4 000 hectares, entourés de murs, peuplés de perdrix rouges et de faisans, bariolés de pièces de trèfle, de sarrasin, de colza et de luzerne, qu'on se garde bien de couper pour que le gibier ait toujours du couvert, les pointeurs peuvent arrêter tout à leur aise et ferment comme des chiens de pierre. Le gibier tient. Mais dans notre France démocratique, divisée entre 5 ou 6 millions de propriétaires, où chaque paysan a un fusil à 2 coups pendu à sa cheminée, où la récolte, toujours attendue impatiemment par son maître, se fait à son heure, et souvent même tout entière avant l'ouverture de la chasse, un pointeur est un animal désastreux. Or, Pritchard, je l'ai dit, était un pointeur. Maintenant, sachant le mauvais usage d'un pointeur en France, d'où vient, me demanderez-vous, que j'avais un pointeur? Eh mon Dieu, d'où vient que l'on a une mauvaise femme? D'où vient que l'on a un ami qui vous trompe? D'où vient que l'on a un fusil qui vous crève dans les mains? Quoi qu'on connaisse, les femmes, les hommes et les fusils. Les circonstances. Vous connaissez le proverbe « Il n'y a cœur et malheur en ce monde ». J'étais allée à Ham faire une visite à un prisonnier pour lequel j'avais un grand respect. J'ai toujours un grand respect pour les prisonniers et les bannis. Sophocle dit « Honorons le malheur vient des dieux ». De son côté, Ce prisonnier avait quelque amitié pour moi. Depuis, nous nous sommes brouillés. Je passais quelques jours à Ham. Pendant ces quelques jours, je m'étais trouvé naturellement en relation avec le commissaire spécial du gouvernement. Il se nommait Monsieur Lerat. C'était un homme charmant. Ne pas confondre avec Monsieur Lerat de Magnito, qui, lui aussi, cumule ou cumulait les fonctions de commissaire de police avec le titre d'homme charmant. Monsieur Lerat, celui de Ham, me fit toutes sortes d'amitiés. Il me conduisit à la foire de Chauny, où j'achetais 2 chevaux, et au château de Coucy, où je montais sur la tour. Puis, au moment de partir, m'ayant entendu dire que je n'avais pas de chien de chasse, « Ah !» me dit-il, « que je suis heureux de pouvoir vous faire un véritable cadeau. Un de mes amis qui habite l'Écosse m'a envoyé un chien de race royale. Je vous le donne. » Comment refuser un chien offert avec tant de grâce, fût-ce un pointer ? Amenez Pritchard, ajouta-t-il en s'adressant à ses 2 filles, charmantes enfants de 10 à 12 ans. On introduisit Pritchard. C'était un chien avec des oreilles presque droites, des yeux de couleur moutarde, à longs poils gris et blancs, portant un magnifique plumet à la queue. À part ce plumet, c'était un assez laid animal. Mais j'ai appris dans le Selectae et Profanis Scriptoribus qu'il ne faut pas juger les hommes sur l'apparence. Dans Don Quichotte de la Manche, que l'habit ne fait pas le moine. Je me demandais donc pourquoi une règle applicable aux hommes ne serait point applicable aux chiens. Et dans ma foi pour Cervantes et Sénèque, j'ouvris mes bras au cadeau que l'on me faisait. Monsieur Lerat parut plus content de me donner son chien que je ne l'étais de le recevoir. C'est le propre des bons cœurs d'aimer moins à recevoir qu'à donner. Les enfants, me dit-il en riant, l'appellent Pritchard. Vous serez libre, si le nom ne vous convient pas, de l'appeler comme vous voudrez. Je n'avais rien contre le nom. Mon opinion était même que si quelqu'un avait à récriminer, c'était le chien. Pritchard continua donc de s'appeler Pritchard. Je revins à Saint-Germain. Je n'habitais pas encore Monte-Cristo à cette époque. Plus riche ou plus pauvre, comme on voudra, d'un chien et de 2 chevaux lorsque j'étais parti. Je crois que plus pauvre est dans l'espèce préférable à plus riche, car un de mes chevaux eut le farcin, et l'autre se donna un écart, ce qui fit que je fus obligé de me défaire de tous les 2, moyennant 150 francs, et que le vétérinaire prétendit encore que j'avais fait une excellente affaire. Il m'avait coûté 2 000 francs. Quant à Pritchard, sur lequel se reporte naturellement tout votre intérêt, vous allez voir ce qu'il advint de lui. »